parler de soccer, c'est la dernière chronique avec Dominique Fortin-Dufour. La semaine prochaine, on va essayer de parler avec la présidente Véronique Pilote, faire un peu le bilan de la saison. Mais d'abord, c'est pas mal terminé dans la plupart des catégories. Salut Dominique. Bonjour. Dominique, effectivement, c'est pas mal terminé dans les différentes catégories. Ouais, ben en fait, là, c'est terminé partout. Toutes les catégories, c'est terminé. Ça s'est terminé cette semaine avec, en fin de semaine avec les séries de fin de saison. Ouais. On avait deux équipes qui participaient. Okay. On avait le U14 masculin et le senior masculin qui participaient. Au niveau du U14 masculin, ça a été, ça s'est passé samedi à Dolbeau, pas à Jean Dolbeau. Okay. Ça a été, ils ont joué deux matchs, en fait, là, deux matchs en même journée. Le premier était contre Alma. Ils ont gagné 7-0. Un match assez... c'était assez à sens unique. Ensuite, la finale s'est jouée contre le Mistral de Jonquière. Okay. Encore là, ça a été un match plus à sens unique. Là, Dolbeau a encore gagné 5-0. Ce qui fait qu'ils ont fini la saison là, c'est ça, au premier rang là, de tout le lac Saint-Jean. Ensuite, ça marchait par un genre de tournoi à la ronde à la fin, quoi? En fait, la façon que ça marchait, là, c'est les quatre premières équipes participent aux séries. Okay. Ensuite, ils font des demi-finales. Le premier joue contre le quatrième, le deuxième joue contre le troisième, puis les gagnants de chaque demi-finale se rencontrent en finale plus tard dans l'après-midi. Okay. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Là. Ça y va selon le classement là, qu'il y a eu durant toute l'année. Okay. Donc, c'était ça. Donc, est-ce qu'on peut considérer ça comme une surprise que vous avez gagné Grands Honneurs ou vous aviez l'équipe pour gagner? Au niveau du 14 masculin, on avait l'équipe pour gagner. Là, avec la saison qu'on a eue, tout ça, là, on a gagné le tournoi à Chicoutimi, on a gagné le championnat de la saison régulière au complet. Ouais. Au niveau local, on a une fiche parfaite. La seule défaite qu'on a eue, c'est contre une équipe qui vient d'Alma, c'est le Boréal, qui jouait au niveau A cette année. Okay. Ils ont perdu 7-3, mais toutes les autres équipes de niveau A, on les avait déjà toutes battues. C'est ça, là. Fait que ça a été vraiment, là, on s'attendait à gagner les séries puis remporter les grands tournois. Donc, c'est quand même positif. Maintenant, dans les autres catégories, je sais que Véronique m'en a parlé un petit peu, Véronique Pilote, la présidente, mais ça a été moins concluant, je pense, du côté des seniors féminins, seniors masculins, division 3, je pense. Hein? Ouais, au niveau du senior masculin, division 3, les finales qui se passaient dimanche. Ouais. On sait qu'il faisait une température assez éprouvante au niveau de la chaleur, tout ça là. C'était assez chaud. On est arrivé là-bas à Chicoutimi 9 contre 11. Okay. Contre une équipe qui, tu sais, c'était la quatrième équipe au classement, c'était le Mistral de Jonquière, assez quand même une bonne équipe tout ça. Par contre, au niveau de la saison régulière là, avec toutes nos forces tout ça, on est capable de les battre assez facilement. Par contre, là, sous un 30 degrés, ouf, avec 9 joueurs, puis eux pouvaient inexcer quasiment l'équipe au complet. Là. Il y avait quasiment 11 nicks. Mm. Rendu à moitié de la deuxième mi-temps, là, c'était assez éprouvant. Okay, là. On a eu un petit relâchement, tout ça. Puis on a perdu le match, malheureusement. Là, on s'est fait rattraper par la chaleur, puis par l'autre équipe aussi, eux, qui pouvaient se reposer sur le banc, tout ça. On a perdu 5-1, puis on a décidé que pour des raisons surtout de santé puis tout ça, qu'on n'allait pas à la finale de bronze. Okay. Parce qu'on savait qu'on allait se prendre contre une meilleure équipe encore que eux qu'on venait de jouer, puis qu'à 2h l'après-midi, il allait faire encore plus chaud, puis que c'est un terrain de soccer, ça allait être ça allait être trop dangereux. Mais pourquoi 9 joueurs? Pourquoi il y a eu 9 joueurs dans une grande finale demain? Il y en avait plusieurs. On le sait un peu, pas qu'on le sait à la dernière minute, on s'en attendait un peu qu'on allait jouer en finale puis qu'on allait jouer les séries, tout ça. Par contre, il y a des joueurs là avec les Bleuets, ouais, tout ça, là, okay, ils ont, malheureusement à cause des emplois, tout ça, ils n'ont pas été capables de se libérer là, okay, pour venir jouer avec c'est nous. C'est dommage, parce que puis ça, il y a ce Seigneur Dion 3, c'est la pire, c'est la division la plus faible. Donc il n'y avait pas des joueurs qui auraient pu vous dépanner quelque part? Question de... Ouais, non, c'est ça. On n'aurait pas pu... Non, on n'aurait pas été capable d'aller en chercher d'autres. OK. déjà qu'on avait, on avait déjà plusieurs personnes qui pouvaient pas à cause de l'emploi, on avait une suspension, on avait, tu sais. Okay. On pouvait pas faire jouer n'importe qui. Puis les règlements sont assez serrés, là, au niveau de l'ARS, là. Pour ce qui est des joueurs, là, que, mettons, on essaie d'en faire passer un pour un autre, là, c'est assez serré là-dessus. Okay. Donc, bon, c'est de valeur, là. Le gardien de but qui a joué semi-professionnel en France n'a pas été capable de vous donner la victoire, quoi, en fait. Ouais, ben, il était pas là, lui non plus. Il était justement parti aussi pour les Bleuets, okay. Fait qu'on avait mis un joueur qu'on avait pratiqué peut-être deux semaines avant, là, pour le remplacer, là. C'était pas. Dans les autres divisions maintenant? Dans les autres catégories, on a le U14 mix, le U12 mix, qui a terminé 7e au classement sur 7. Malheureusement, c'est ça, c'est un peu plus difficile au niveau du U12 mix. Justement, là, à cause de la transition, tout ça. Par contre, c'est sûr que les autres équipes aussi en ont. Par contre, cette année aussi, ce qu'il y avait dans le U12 mix, c'est que les autres équipes, souvent, ça faisait 2 ans que les joueurs jouaient ensemble. Tandis que là, on avait vraiment une équipe mixte. Okay. On avait vraiment une équipe là qui venait beaucoup plus du U8, U10 qu'une équipe qui avait déjà joué U12. Là. Il y avait beaucoup moins de joueurs qui étaient expérimentés dans cette équipe-là. Ensuite, on a le U14 féminin qui ont fini 7e sur 9. Encore là, eux, ce qui était plus difficile un peu, c'est qu'ils jouent vraiment là, souvent là, à 11 joueurs ou à. Ils ont vraiment tout le temps un ou deux next, là, gros maximum. Là, souvent, c'est ça qui a été un peu plus difficile. Là. Ils se font rattraper par le nombre de joueurs comparativement aux autres clubs. Ensuite, on a le U16 féminin qui a terminé 5e. Sur 6. Cette année, ça a été un peu plus difficile, justement, aussi, au niveau des inscriptions. Il était à 11 encore. Beaucoup de U14 de l'année dernière qui étaient montés. Souvent, on sait que quand on passe de U14 à U16, le jeu va beaucoup plus rapidement. C'est un peu plus dur à suivre. En plus, que les filles jouaient dans le A, puisqu'il n'y avait pas assez d'inscriptions dans le local. Okay. Fait que ils jouaient contre des équipes qui étaient beaucoup plus expérimentées qu'eux. Donc, et au niveau du senior féminin aussi, là, ça a fini 5e sur 9. Puis encore là, on s'en attendait là aussi au niveau des joueuses. Là, il y a beaucoup de joueuses qui se présentaient pas au match. Puis c'était assez difficile. C'est dommage un petit peu. Dominique, ça finit. Je vais en parler la semaine prochaine avec l'ARS. Mais ça finit de bonne heure. Ça, c'est pas la première fois que je l'en parle. D'ailleurs, je n'avais parlé dans le temps de Jannick Saint-Pierre. Ça pourrait pas se rendre à la fin du travail? C'est sûr qu'avec l'ARS, tout ça, c'est sûr qu'il y aurait moyen d'essayer d'étirer ça au maximum. Par contre, c'est que quand on arrive jusqu'à la fin du travail, on en regardait comme juste vers la fin de la semaine. Je sais pas si tu as vu l'article là, du baseball mineur avec le hockey mineur. Ça, souvent, c'est la même bataille pour nous aussi. Là. Les camps de hockey commencent, c'est les mêmes joueurs qui jouent au hockey, qui jouent au soccer, fait qu'on perd des joueurs... Fait que, tu sais, souvent, on finit à faire 2-3 semaines. Juste, mettons, si on finirait jusqu'à faire du travail, on ferait 2-3 semaines avec pas beaucoup de joueurs. Puis, ça serait difficile d'avoir... Ben, Dominique, il me reste bien qu'à te remercier encore une fois. Ça fut fort agréable. Ça fut fort agréable, encore une fois, d'avoir des chroniques du soccer de Boom Sesni. Puis, j'espère que l'an prochain, ce sera un autre rendez-vous. Parfait. Voilà. Avec plaisir. Dominique Fortin-Dufour, de l'Association de soccer de Boom Sesni.